En fait, tu voudrais tellement qu'il te lâche la grappe. Malheureusement, tu as dû bien voir qu'il te rattrape. Depuis le premier jour, on a enclenché le compte à rebours. Enfile tes pompes et cavale si tu veux pas être à la bourre. Tout s'accaplé depuis la naissance, c'est une course-poursuite. On fait mine de se détendre, mais c'est tout tout de suite. Au départ, c'est très simple, on est trop petit pour tout. Pour s'habiller ou pour manger, bah on en fout partout. Et quand t'es petit, mec, t'es bourré d'interdits. Ouais, mais là, tu t'en fous, t'écouteras pas ce que ton père dit. Vu que toi aussi, tu voudrais bien mater des films de cul, fumer des clopes, fumer des pédos, sortir en boîte comme les ados. Et tu maintenant c'est fini, regarde comme j'ai grandi. Je vais me taper des meufs, jouer aux bandits. On sort en bande, on fait les fous, taxe des mobilettes et des boosters. Aussi des caisses et on n'a pas le permis. Y'en a qui braquent aussi, ou qui ont le trac assis. Certains qui donnent et surtout d'autres qu'on frappe ici. Pourtant tu kiffes cette vie, tu as pris de l'avance. Mais dans le vide, tu en as perdu la délivrance. Plus le temps, je n'ai plus le temps d'attendre autant. Plus le temps. Enfin, quand tu grandis et tu te dis putain, qu'est-ce qui m'a pris? Merde, moi j'étais bien quand j'étais petit. J'avoue, chacun gère ça à sa manière. J'en connais pour qui c'est plutôt la croix et la bannière. D'autres esprit le temps, profitant du système, sans trop insister, vu que c'est ça au système. Par contre, si tu taffes, tu peux pas t'empêcher de compter. Compter le temps qui restera sur le côté, une fois que t'as presté tes heures. Car 24 c'est pas assez, faudrait plutôt des journées dotées de 32 heures. On se dépêche, faut bien assurer des progénitures. Mais prends ton temps, ça fait partie des projets matures. Après la retraite, souvent la retraite, le bilan est positif ou bien parfois on regrette. On se lève tôt histoire de rattraper le temps perdu. Profiter de ces derniers instants pour qu'ils perdurent. Plus le temps, je n'ai plus le temps d'attendre autant. Plus le temps, si t'es sérieux, souvent vaut mieux tracer, aboutir à tes fins avant d'avoir les cheveux anthracite. Et pour ma part, j'ai souvent pris mon temps. Oui, je fume un petit béto et des fois que j'aurais pas eu le temps. Un combattant promettant, mais qui arrive toujours à temps. Puis, je loupe le coche, je te dirais merde alors tant pis. Ce que je sais, c'est que dans le temps, je vois pas mon crustacé. Et c'est juste assez car j'ai la volonté d'un crustacé. J'ai pris conscience qu'il fallait bien gagner un peu d'argent en travaillant, mais le problème ici, je perds mon temps. Et comme le temps, ben tu sais bien en somme que c'est de l'argent. Je suis toujours fauché même en bossant et c'est décourageant. On a beau s'enlacer, s'élacer, soulier, ou plutôt s'enlacer, foulier, seul à souligner. On a beau s'aligner, s'allier ou se plier, supplier le sablier, fait qu'on pourra s'oublier. Plus le temps, je n'ai plus le temps d'attendre autant. Plus le temps, non, non, non, non. Plus le temps, je n'ai plus le temps d'attendre autant. Plus le temps, non, non. Sur terre, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et comme je peux pas me taire, alors je dors. Mais le temps c'est de l'argent, alors je le perds. Mais blague à part, en somme le pire pour ma part, c'est que je parle quand je dors. Plus le temps, plus le temps. Je n'ai plus le temps d'attendre autant. Plus le temps d'attendre.